refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons pas, même si la terre tremble, même si les montagnes chancellent au cœur des mers en faiblesse.